On va parler avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Dan Radio Sport. Hey Benoît, comment tu te remets de tes émotions, là, ton voyage d'une vie en Russie, comment tu te remets là? Ben, écoute, un grand moment de passionné de soccer qu'on a vécu en juillet dernier, en début juillet, puis ça ne remet pas vite. On est en vacances, je suis chanceux parce qu'après mon voyage, j'étais en mode vacances, fait que là... Okay. Étant dans les écoles fin août, fait que on repense, on regarde les photos, on se dit qu'on a vécu de quoi de très gros, puis avec la finale. Fait que tantôt j'ai rencontré un Marocain sur la plage et on a eu une discussion à ce sujet-là, puis t'es bien content pour moi que j'avais vécu ce moment-là. OK. Donc c'est pas mal le fun. Bravo. Bravo. Benoît, quelle histoire avec Jimmy Briand, hein? Ouais, une histoire plate, hein. On pourrait Ouais. dire que c'est une histoire plate qui se termine très plate. Et encore une fois, une autre saga avec l'Impact de Montréal. Comment analyser ça, Danny? Moi, de mon côté, je me rapporte, je me ramène dans le temps un peu avec Drogba, avec Laurent Simon. C'est pas un joueur, mais c'est quand même un bon attaquant qui évolue en France. Ce gars-là s'est blessé, une grande blessure. Il a même fait l'équipe, était en train de s'entraîner avec l'équipe de la France, tu sais. Équipe L'équipe nationale? nationale. Ben oui, mais il a pas réussi. Je pense qu'il a pas joué. Il a 4-5 sélections, je crois. Là, il faut fouiller un peu c'est sa carrière, là. Mais il a eu une bonne blessure et puis ça l'a retardé un peu. Il a joué à Guingamp, le gros de sa carrière. Donc, il semblerait que ça aurait pu être un très bon attaquant pour l'Impact de Montréal à l'attaque, à la pointe. Un striker, comme on peut le dire. Mais finalement, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu sur d'autres postes, d'autres ondes, son agent qui a dit que c'était une question de... On connaît l'histoire, là. Maintenant, on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, comment ça se fait que ça a pas fonctionné, là? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Mais ça fait quand même, de mon côté, la vision que j'en ai, j'en tire, c'est encore l'Impact qui, au niveau administrativement, vu d'un œil extérieur, c'est bizarre un peu toute cette façon de faire un peu, là. Et puis, peut-être qu'un jour, des joueurs étrangers, ils vont regarder un peu qu'est-ce qu'un impact. Parce que un joueur qui s'intéresse au projet de l'Impact de Montréal, il va regarder qu'est-ce qui se passe pour sa carrière, pour sa famille, qu'est-ce qui se passe. On s'entend que c'est pas des joueurs à la fleur de l'âge de leur carrière. C'est des joueurs souvent à 32, 33 ans et plus. Alors, les gars, ils regardent qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est bon pour eux. Et je pense que Briand en a conclu que ça faisait pas. Non, non, c'est clair. Puis je trouve ça dommage. Comme tu as dit, l'Impact paraît mal encore une fois. Puis là, le mercato finit le 11, c'est samedi prochain. Puis il n'y a rien de signé encore, là. On dit qu'on Il n'y a rien d'annoncé. On est sur les trousses d'un joueur, mais il va-tu le voir venir? C'est toujours des annonces, hein. On Ouais. fait des annonces, on sort un joueur. Les ceux qui s'occupent, ceux qui sont près de la presse médiatique à Montréal vont souvent, tu vas voir, par exemple, Marc-Claude va sortir un nom à la volée comme ça. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est envoyé en l'air comme ça? Je sais pas. Il doit y avoir des sources à quelque part. Mais du côté de l'Impact, bon, il n'y a rien d'annoncé. Il faut être patient, il faut attendre. Mais Danny, quand tu regardes le classement de l'Impact présentement, on est vraiment éliminé de la Coupe de championnat canadien. Ça, c'est une tache noire un petit peu à cette saison. Mais c'est une saison en transition, on l'avait dit. Là, on est en position peut-être pour participer aux séries. Mais on sait qu'il manque de profondeur et il manque de joueurs d'effectifs au niveau de l'Impact. Que des gars comme Oduro qui sont encore sur le banc et on va habiller, on n'embarquera même pas. C'est un petit peu ridicule la situation avec Oduro, exemple. Mais ça va être difficile la fin de saison. S'il n'y a pas un nouveau joueur ou quelques joueurs qui arrivent, ça va être difficile. Ouais. demain, c'est Wayne Rooney qui est en ville. Une autre grande vedette, une ancienne grande vedette de Manchester United qui va être à Montréal. Oui, un gros joueur en ville à Montréal, ouais. Danny. Wayne Rooney, faut le mentionner. Ça faisait partie du top 5 des meilleurs joueurs de soccer à son apogée, là. À un certain moment donné, il y a quand même plusieurs. La planète foot est grande, mais oui, il a été dans les grands joueurs. Mais c'est sûr que quand tu joues au championnat anglais, quand tu joues avec le Manchester United, c'est certain que tu as toujours une meilleure vue, on dirait. La presse footballistique anglaise est assez puissante, on dirait. Et puis, on voit souvent les joueurs anglais sur les premiers plans au niveau des médias puis au niveau des commanditaires aussi. Et Wayne Rooney en était un. Et oui, c'était le capitaine de l'équipe anglaise. Il y a de ça pas si longtemps. Ça fait que, puis l'année passée, il a terminé une saison à Everton, le club qui l'avait formé. après une super carrière avec le Manchester United. Donc, je lui souhaite que ça y aille bien. Mais là, comme tu peux voir, DC United est en dernière position de l'Est. Ça semble pas facile, là, son acclimatation avec la MLS. On dirait que c'est difficile. OK. Hey, Alphonso Davies qui s'en va avec le Bayern Munich. Alphonso Davies qui est probablement le meilleur joueur canadien, il a quoi, 18 ans? Badou Tabla, donc les académies qui commencent, des équipes commencent à produire de bons joueurs. Là. Quand Davis signe un bon contrat avec le Bayern de Munich, ça veut dire quelque part que ça commence à être intéressant, là. Non? Oui, ça veut dire ça, Michel Dany, ça veut dire que les grands clubs européens commencent à avoir une vue sur nos clubs en Amérique du Nord, nos clubs au Canada. Vancouver, Toronto, Montréal, c'est intéressant pour les futurs, les académies de ces équipes-là, de nos équipes. Donc, enfin, peut-être qu'il va y avoir des vues intéressantes pour le futur, pour nos prospects canadiens, québécois. Je le souhaite pour les Québécois aussi. Il manquerait peut-être une équipe il manque encore des équipes dans la première ligue au Québec, peut-être, pour faire le tour de la province. C'est un championnat canadien. C'est, on a parlé avec Jean Gounel l'autre jour, ça s'en vient. Ça s'en vient, un championnat canadien de l'année, mais ça ne donnera pas des équipes. Ça ne donnera pas nécessairement des équipes dans la PLSQ pour agrandir le championnat québécois non plus. Non. Il faut aller au Québec aussi, il faut que ça développe, il faut que nos joueurs en région aient la chance de jouer à un niveau intéressant. Ouais. On a une équipe de U17 masculin 3A qui essaye de cette année, mais on voit que c'est difficile, ils sont en dernière position, mais c'est une première année pour un club de la région à jouer dans le masculin, mais tu vois un peu le niveau quand même. Mais oui, quand tu regardes Alphonso Davies, pour terminer ce dossier-là, c'est le fun de voir que tranquillement, pas vite, c'est un Africain quand même, il faut le mentionner, il y a quand même une histoire, il vient de l'Afrique, il vient du Ghana, je pense, il faut mentionner que il y a les clubs européens commencent à s'intéresser à nos joueurs canadiens. OK. Benoît, le mercato finit le samedi prochain. Écoute, il n'y aura pas plus gros mouvement que Cristiano Ronaldo, hein? Non, c'est sûr que Ronaldo, c'est le top, à moins que tu as des gars comme moi. Écoute, il y a tellement de... J'en reviens pas, Dani, comment est-ce qu'il peut y avoir de rumeurs sur ce mercato-là. Oui, Cristiano Ronaldo, c'est un gros move. Gonzalo Higuain, le gros attaquant, parce que Ronaldo s'en arrive, donc il faut que le gros attaquant qui est à Juventus donne de la place. Et Gonzalo Higuain, l'Argentin, il va laisser sa place, il s'en irait avec le AC Milan, ce serait un prêt, semble-t-il. Mais, comme je te dis, il y a tellement de rumeurs que ça en vient dur à suivre, le mercato, surtout lui d'été, parce que c'est souvent pas vrai. C'est souvent seulement des rumeurs. Il y en a un, Arturo Vidal, qui joue avec le Bayern de Munich, qui est un Chilien, qui est un gars qui est avec la hang, beaucoup un joueur agressif, qui s'en viendrait peut-être avec le FC Barcelone. C'est une annonce qui s'est faite dans les derniers jours. J'ai hâte de voir si ça va se faire vraiment. Ça serait intéressant de voir ce joueur-là. Mais c'est tous des gros joueurs. C'est les millionnaires de la planète foot qui bougent d'une année à l'autre. Et puis, c'est les clubs millionnaires, milliardaires, voire les propriétaires milliardaires, qui peuvent se payer ce genre de transactions-là. Même Paul Pogba, avec le Barcelone, serait en vue aussi. Ouais. Les joueurs de l'équipe de France, depuis qu'ils ont remporté, c'est certain qu'ils sont tous en vue. Là. C'est tous les nouveaux champions du monde. Donc, les gars sont regardés beaucoup. Rabiot, qui joue pour le Paris Saint-Germain, serait peut-être en attente pour aller avec le Bayern de Munich. Donc, tu vois, c'est beaucoup des rumeurs. Ça ne veut pas dire que les transferts vont se faire, mais à venir dans les prochaines semaines, les prochains jours même. OK. Benoît, évidemment, écoute, c'est à surveiller. Le Real Madrid n'a pas fait grand-chose, hein? Perdu Zidane, perdu son gros joueur. Ça va être difficile, le Real Madrid, de répéter là, la Ligue des champions, à tout le moins. Trois Ligues des champions consécutives. Comment veux-tu battre ça, tu sais? Battre ça sera le quatrième titre. À un moment donné, je pense que le club était en voie de changement. Un autre cycle qui s'en vient pour ce club-là, probablement. J'ai même vu passer une annonce de Luka Modric, le joueur croate, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, qui aurait peut-être eu des intérêts avec l'Inter de Milan. On dirait que les clubs italiens, cette année, ont des sous. Ils sont prêts à partir. Je pense qu'on va revoir les clubs italiens sur le premier plan, mais Florentino Pérez du Real Madrid a dit qu'il laisserait partir Modric seulement à 750 millions de transferts d'année. Ça fait que tu imagines-tu? Oui, effectivement. Benoît, on s'en reparle. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, on s'en reparle bientôt. Yes, salut Danny. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Jacques-Saint-Jean.